طيب إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما هو سبب هذا الكتاب كواس ليغ ليت اقربوا اقربوا شوية نعم انكر منكر لكن اي منكر كان منكر لماذا يعني ce livre il a été écrit pour mettre en évidence les personnes qui s'égarent au niveau du druide Aouya. Non. Yani la réponse entre vous deux, il faut un milieu. Toi t'es une partie, l'autre partie, moi je veux le milieu. Bardenas qui fait amène le mu'allif et Aouya au kubur. Aïe, wa waqaw fi shirk. Il kal munkar. وهذا المنكر والذي حصل من الناس ce qui a eu que les gens de son époque وذكر ايضا pour pas tomber dans kitman el ilm يجب انه يجب عليه qu'il écrit ce livre c'est obligatoire pour lui d'écrire ce livre طيب اخذنا الاصل الاول c'est quoi l'asl الاول نعم كل ما جاء في القرآن حق parce que dans le Coran c'est du haq il a rajouté pour rajouter la sunna avec كذلك والسنة كذلك كل ما جاء من السنة وهو الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به السنة كذلك tout ce qui est authentique l'obligatoire de l'appliquer la Coran بلا سنة ولا سنة بلا Coran Et en plus de cela, ma fahm salaf salih. Alors, nous allons dire, alaykoum salam, fil asl al-thani. Wa hadha al-asl huwa anna rusul ursilat lid-da'wa lit-tawhid. Que les messagers ont envoyé pour appeler au tawhid. Ils sont venus pour cela principalement. Yani, wa hadha kadhalik min bab mkala munkar. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أن رسول الله وانبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة فكل رسول أول ما يقرأ به أسماء قومه قاله تعالى يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله وقوله تعالى أن يعبدوا الله واتقوه واتيعون هذا والذي تضمنه قول لا إله إلا الله donc il dit que tous les messagers d'Allah ainsi que ses prophètes du premier au dernier ont été envoyés pour appeler les gens au tawhid quel tawhid tawhid tawhid al-ibada tawhid al-uluhiyya Tawhid de l'adoration. Donc il n'y a pas un messager qui soit venu sans qu'il ait dit à son peuple, dans le sens où Allah est dit, dans le Coran, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. C'est pas dans le sens où il dit, et n'adorez que Allah. C'est pas dans le sens où il dit, d'adorer Allah et craignez-le et obéissez-moi, c'est-à-dire à moi le messager. Et cela, c'est ce que contient la parole « La ilaha illallah ». Ma ma'na « La ilaha illallah » ya Ali. Al-ma'oud et le sens. Ouled al-ma'na bil-arabiyya, c'est mon tarjim. « La ilaha illallah », ça veut dire quoi ? C'est quoi le takdir en arabe ?« La ilaha illallah »« Ala lui seul » »« La anna ouledu bil-arabiyya » Ou le takdir, le sous-entendu de la ilaha illallah, ça veut dire quoi en arabe? Ilah, ça veut dire quoi ilah? إله، ça veut dire quoi إله؟ الله هذا اسمه. طيب، أما أريد معنى إله، ça veut dire quoi إله؟ أليها، ça veut dire quoi أليها؟ le verbe أليها. لأن إله لنيو سر وزن فعال. إله اسم مفعول. بمعنى مفعول. donc أليها c'est le synonyme de quel verbe? Tu le connais? À qui tu le connais? Il n'y a pas un muslim qui ne le connaît pas. Soit en arabe ou dans la langue de son pays. Ma'boud. Ilah, bimana ma'boud. Aliha, mana abada. Ça veut dire adorer. Vous voyez, divinisé, adoré. Fa la ilaha illallah, el ma'na. La ma'bouda bihaq illallah. Hada wa ma'na la ilaha illallah. Wa misla di l'ibarat. Lazim an tukhfaz an tabqa ma'a kulli wahid min muslimin. Ya'lam ana la ilaha illallah, ça veut dire la ma'boud bihaq illallah. Nul adoré, en vérité, ou digne d'être adoré, si ce n'est Allah. قال فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها ولا مجرد قولها باللسان ومعناها وهو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه هذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. Donc il dit c'est à cela que les messagers ont appelé leur communauté. C'est-à-dire cette parole qui est la ilaha illallah dans son sens et non pas le simple fait de la prononcer, voyez, mais dans son sens réel, qui est le fait d'unifier Allah dans la divinité et de renier tout ce qui est en dehors de lui et de s'en désavouer. Vous voyez, ça c'est un fondement qui ne contient, comment on dirait cela, qui est clair. On dirait comme ça, il est clair. Son contenu, il est clair. Aucun doute. Et que, yani, celui qui n'a pas su cela, sa foi, elle n'est pas complète. Là, c'est pas Kamel l'Iman, c'est, yani, Mutlok l'Iman, la base de la foi. C'est-à-dire, celui qui n'a pas compris cela, il n'a pas l'imène. Huna, donc on sait que là, dans les shurut de la ilaha illallah, là, comme il le cite l'auteur, il y a l'ilm. Man yadhkur shurut la ilaha illallah. Numab al-muzakara. Il se faut se rappeler. Ce que tu peux, donne. Stand. 1, 2, 3, ce que t'as. Faddal. L'ilm. Hadha ou al-lazi. C'est ce que l'auteur fait allusion. Al-yaqin. Certitude. Elle est khalas, sincérité. Elle est qiyad, le fait de se laisser mener, on va dire. La mutaba'a laisse min shurut la ilaha illallah. Alain, on a arba'a. La qiyad, il m'a arba'a, il m'a thalatha. Il y en a qui l'ont fait 8. Il y en a qui ont 17. Al kaboul, l'acceptation. Al sidq, la véracité, tu es véridique dans ce que tu fais. Al mahabba. Al kufran bima ubida bin nudillah. Ce qui a été, mais croire en ce qui a été adoré, ce qui a été adoré en dehors d'Allah. Arsent. Ça, c'est les shurouts de la ilaha illallah. Et c'est obligé de les remplir. Obligatoire. Le fait de prononcer la ilaha illallah tout seul, hadha ma yakfi abadan. Donc ça c'était le deuxième asl qui est que les messagers ont été envoyés à leur peuple les da'wa et les tawhid. Ay tawhid, tawhid, al-ibadah. Après il va plus en parler. Al-aslu al-thalith. Wa hadha yata'allaq bi aqsam al-tawhid. Les catégories de tawhid. Qal anna at-tawhida ismani. Il dit que le tawhid est de deux sortes. Et comme le cheikh Rajihi, il le dit, c'était le tocsin des anciens. Les anciens divisaient le tawhid en deux. Amen. Et il avait appelé tawhid al-qasd wa talab wa tawhid al-ma'rifa ou yukal tawhid al-ilm wa l'artikal. Donc tawhid al-qasd wa talab, celui-là c'est al-ibada. Al-qasd. Tamam, al-qasd, c'est ce que tu vis, c'est Allah, donc l'ikhlas. Wa talab, c'est l'adoration. Et notre dua, ibada, et talab, c'est une demande. وتوحيد المعرفة طيب c'est la connaissance. Donc ça rentre de quoi? توحيد ربوبية والأسماء والصفات. Et lui, Cheikh Rajihi, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'à la base de توحيد أسماء والصفات et ربوبية, ils le mettent ensemble. Et توحيد عبادة, ils le mettent à part. Donc le premier chez les mouchtikoun était ma'ruf. Les messagers ont insisté et ils sont venus principalement pour le deuxième. C'est là où il y a eu le khilaf entre les messagers et les peuples. Entre les mu'minin, tayyib, et les kafirin. Entre les mu'ahidin et les mushrikin. Amen. قال القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. معناه أن الله وحده والخالق للعالم. وهو الرب لهم الرازق لهم. وهو رب لهم ورازق لهم. هذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله في شريكه. بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. Donc là, le premier qism, c'est Tawhid, Rububiya, ou le Khaliqiya, ou Raziqiya. Que Allah, c'est le Seigneur, que celui, le Créateur, que celui qui accorde la subsistance. Vous voyez, parce que Allah seul, tu unifies Allah seul dans la création. Tu as unifié Allah seul dans le fait d'octroyer la subsistance. Et kadhalik, c'est Allah seul qui contrôle le cours des choses, le monde, la création. Et ce tawhid, les mushrikoun ne l'ont pas renié, ils le reconnaissaient. Certains avaient des khalal, mais de façon générale, ils le reconnaissaient. Et les mushrikoun ne mettaient pas de créateur, ne mettaient pas de razaq. Ils savaient que c'était Allah seul, que ça revenait à Allah seul. Al القسم الثاني توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي بيانها وبيناها فهذا هو الذي جعل لله فيه الشركاء طيب وهذا هو الذي جعل لله فيه الشركاء واللفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى دوزيام قسم من التوحيد والتوحيد العبادة de l'adoration. معناه unifier Allah dans toutes les formes d'adoration qui ont été clarifiées. Tamam. Et c'est dans ce tawhid là qu'ils ont mis des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme sharik, qu'on traduit par associé nous, laisse entendre une forme de partage, participation. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent Allah d'un côté, mais de l'autre côté, ce qui revient à Allah, il le partage avec autrui, parmi la création. Et malgré tout, même celui qui dit « je crois pas en Allah » sera considéré comme mushrik, de toute façon. Et ça, comme il le rend, comme au fond de lui, il le reconnaît. « Rububiya, hadhihi ya » même chez les animaux, allez. Toutes les créatures. « Al-jamadat wal-hayawanat » les êtres vivants, et « hatta » les objets inanimés. Car toute chose, même comme le Ta'ala, وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ لِتُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Il n'y a pas une chose sans qu'elle ne le glorifie. Cependant, vous ne comprenez pas la glorification. Toute chose glorifie Allah. Donc ça veut dire que toute chose connaît Allah. Amen. قَالَ فَالرُّسُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثُوا لِتَكْرِيرِ الْأَوَّلِ وَدُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِهِمْ فِي خِطَابِ الْمُشْرِكِينَ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ وتنهاهم عن الشرك عن شرك العبادة. قال donc les messagers ont été envoyés pour quand même reconnaître le premier توحيد العبادة et d'appeler les mouchriquins à cela comme de leur parole lorsqu'ils disent aux mouchriquins dans le sens où Allah dit y a-t-il un doute envers Allah, est-ce que vous doutez d'Allah, ou dans le sens où Allah dit, est-ce qu'il y a un autre créateur avec Allah? Donc il leur interdisait d'associer Allah quoi que ce soit dans l'adoration. ولهذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله. Dans le sens Allah dit, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du taghout. Ça revient à la huitième condition de la ilaha illallah. Donc ils ont dit cela à leur communauté. فأفاد بقوله في كل أمة جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل فتبحث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة ولا أولى لتعرف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مكرون بذلك أو بهذا. Donc il dit la parole lorsqu'il dit dans le sens Allah dit à chaque communauté, ça nous fait comprendre que toute communauté a reçu un messager avec le même message. Et non pas pour savoir que Allah est le créateur des mondes, mais pour l'adorer. C'est pas pour dire, vous avez un créateur, vous ne le connaissez pas, c'est Allah. C'est lui que vous avez créé. Non, c'est pas une pensée. Vous venez pour dire, Allah, vous le connaissez, vous savez que c'est votre créateur, donc vous devez l'adorer. Ava. Liava, lam talid al-ayat fil ghalib illa bi sirat istifham taqrir. Nahu, hal min khaliqin ghayrullah, afaman yakhruku kaman la yakhruk. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فأروني ماذا خلق الذين من دونه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات استفهام تكرير لهم لأنهم به مكرون. C'est pour cela que dans le Coran, les questions qui sont venues, c'est une forme de, comment on dirait, تكرير pour qu'ils reconnaissent les gens et qu'ils avouent. Pas une chose qu'ils ne savent pas. Quand même, c'est une chose que je te demande à toi, je sais que tu la connais, et toi tu sais que je le sais, et je te pose la question pour te faire comprendre, tu le sais ça. Reconnais cela, tu reconnais? Tu veux dire, non. Donc, tous ces versets sont venus pour ça. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Donc pas la peine qu'on vous le renseigne. Et quand elle dit que seulement, lorsque ça parle de la création, istifham, Taubiri, c'est une question en guise de reproche. Istifham, Taubiri. Tu poses une question, et le but de ma question, c'est pas d'en tirer une réponse. C'est de te blâmer. قال وبهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوه في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم. Donc avec cela, on sait que les mouchrikoun n'ont pas pris les asnam et les awthan, ne les ont pas adorés, ils n'ont pas également pris Isa et sa mère, ils n'ont pas non plus pris les malaïkas en associé pour Allah, pour eux-mêmes. C'est-à-dire du fait qu'ils ont créé les cieux et la terre. C'est pas pour cela qu'ils ont pris comme شركاء بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه فهم مكرون بالله في نفس كلمات كفرهم نعم بكلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc il dit que ils ont pressé associés en dehors d'Allah pour qu'ils les rapprochent d'Allah comme intermédiaires et non pas pour eux-mêmes. Et ça c'est connu. La salle on l'a déjà prise dans Kutub comme Kawd al-Arba'a, Shubu'at, Wa'al al-Zalika. Adi Masala, Ma'roufa. Donc leur mécréance se trouvait là-dedans, d'avoir pris des intermédiaires entre eux et Allah. Donc ils ont fait des adorations à ces intermédiaires, qui reviennent à Allah, en but de s'approcher d'Allah. Comme on dit, ils font le mal pour avoir le bien. Même il y a Adil Jihad. Avant, Una Faïda, l'Orawiya va prendre. Pourquoi dans, si vous savez, dans le livre, quand il parle de Rasoul, il dit, il vient avec Sirat al-Mu'annath. C'est féminin. Felen, فإنها دعت الرسل أممها. Regardez bien, دعت الرسل أممها. تأنيث qui revient au رسل وأممها le ها revient au رسل. لماذا؟ الرسل c'était que des hommes. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. On peut envoyer avant toi, ce n'est des hommes. Et là, il vient avec une forme féminine. Là, c'est une feida l'orawiya. Parce que ça, c'est un djem taksir. Rusul, c'est un djem taksir. Et le djem taksir, on lui donne une forme de takdir qui veut dire jama'at. Jama'at et rusul. Qalat. Donc là, le féminin revient au mot jama'a. Amen. Voilà. Jama'a, c'est un mot féminin. Le love, le thème, il est féminin. Comme dans la parole d'Allah où il dit وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ نِسْوة c'est des femmes. Il a dit قَالَ, elle n'a pas dit قَالَتْ. Là c'est نِسْوة, c'est un djem taksir, donc dire djem, un groupe de femmes on dit. Donc là ça revient à djem. قَالَتْ djem مِنْ نِسْوة. Vous voyez, là c'est قَالَتْ جَمَعَتْ الرُّسُل. Ça revient au mot jama'a. Jama'a il est féminin. Et dans l'autre verset, jam, c'est un masculin. Donc le jam taksir, tu peux le sortir de son origine. Tu peux féminiser le verbe ou le masculiniser, ça dépend. فنكمل الآن يقول فجعل الله تعالى اتخاذهم لشفعاء شركة ونزه نفسه عنهم لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون الشفعاء لهم لم يذن الله لهم في شفاعة ولهم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. Donc Allah SWT a fait que le fait qu'ils prennent des shufa'a, intercesseurs, cela, il a nommé cela comme étant du shirk. Et il s'est purifié de cela. Car personne ne peut intercéder si ce n'est avec sa permission. Donc comment peuvent-ils se permettre d'affirmer des shufa'a que Allah n'a pas agréé? Du moins, il n'aura pas accordé la shafa'a. Et que même qui font cela, qui demandent la shafa'a, ils ne sont pas aptes à la recevoir. Car ils font du shirk. On a pris dans les choses de la shafa'a que Allah est agréé. Toi, celui qui intercède. Et cela, c'est que pour le muwahid, que pour le muslim. Celui qui fait du shirk, il n'y a pas de shafa'a pour lui. Et ces shufa'a ne leur serviront à rien auprès d'Allah SWT. Si Allah ne veut pas, ma yanfa. Quand même, ma yanfa. Fahada alladhi khazna al-yawm. On a pris Akhazal Asl Athani, deuxième fondement qui est que les Rasuls ont été envoyés pour appeler au Tawhid. Et Tawhid, hein? Bichay? Ah. Que les Rasuls ont été envoyés pour appeler au Tawhid, et Tawhid, Tawhid al-Ibadah, l'adoration. Wal Asl Athalif, que le Tawhid est de deux qismes. Chez les anciens, aujourd'hui trois. Les anciens ont mis Asma wa sifat wa rububiyah ensemble. Et ubudiyah seul. Celui pour lequel les messagers ont été envoyés. Aujourd'hui, on l'a mis en trois. Ça revient à la même chose. C'est juste des stilahat, des terminologies. Il n'y a pas de khilaf en fait. Ça revient à la même chose. Vous voyez, comment yukol fi dinina la mashaha fi stilahat. Il n'y a pas de divergence dans les terminologies. Tant qu'on arrive au même but. Toi, tu dis telle terminologie que tu as mis toi-même pour classer les choses. Moi, j'en ai mis une autre. Mais au final, on vient au même résultat. Donc on ne peut pas dire, non, lui la raison, lui la tort. Non, c'est des terminologies. Ce n'est pas une chose bâtie, il y a un nid, comme on dit, sur un décret divin. C'est comme, par exemple, dans le Nahou, quand les vont dire Hafoujar, les Basriyoun, et les Koufioun, ils vont dire Khafin. C'est la même chose. C'est juste des dominations différentes, mais bah, c'est la même chose, c'est les mêmes règles qui s'appliquent par la suite. Aziz Tilahat, tout simplement. Donc le deuxième asl, troisième asl plutôt, Tawhid Qisman, Tawhid Uluhiya Wahda, tout seul, et Tawhid Asma wa Sifat wa Rububiya Ma'aba. Hada khulasat darsana al-yawm. Fi sual? Fi sual? Mafhoum? Tayyib. Fa ila huna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.